On retourne où on était tantôt. Ok, oui. Oh, c'est les mois de septembre à novembre. Voici un instant classique. Voici les meilleurs moments d'assemblage requis des mois de septembre à novembre 2012. Alors, c'est le marchand FOM, Foam Mousse. Plante. Oh, nouveau surnom. T'aimes ça? Partons son intro, puis parle-lui en lisant, nous en parler. C'est ça. Oui, ça vient du groupe français FL, mais pas comme FL65. FL. Ça, c'était Blue Abri Babibou Babou. Exactement. Non, je suis pas capable de la chanter, la chanson. Blue Babibou. Ok. T'as tout ton 36, Matt, puis va danser. Est-ce que j'ai ça, moi, un 36, ça? Non. En fait, mon tour de terre, ça va bien, pas pire. Le Festival international de la chanson de Granby. On a même des spectacles au zoo de Granby. Avec des animaux qui chantent? Ben, c'est dans le zoo, mais... Oh mon Dieu. Hey, quand même. On a-tu dit ça? P.S. I love you et la pièce... P.S. I love you et la pièce. La pièce. C'est comme un genre de jeu de mots semi, comme pas vraiment. Avec Sentimental Dishes, assemblage requis. Et là, les gens viennent de la comprendre. C'est pas plus drôle, mais au moins, ils l'ont compris. Et c'est Mathieu Plante. C'est ça. C'est bienvenue dans mon monde. Hein. Je m'étais pas mis de pièces pour transitionner. Sûrement parce que je voulais faire une chronique plus courte. Fait que faisons une petite chanson, mettons. C'est un fait. Véridique. Donc, toujours dans cette... On est mauvais pour chanter, pour vrai. Ça, c'est vraiment nous autres, hein? Ah, mais ça me fait tellement triper, par exemple. Eh, boy. Ce qui est le fun, là, c'est de Michelot, là. Il est spécial, OK? Il est en forme de O. C'est un O avec un trou dedans. Et de disque. Sérieusement, là, quand tu mets à penser à tout ça, c'était peurant. Hein? Sérieusement, moi, je suis en train de perdre le contact avec la réalité des fois. Tout le monde devient haut. La femme qui avorte, après un viol, après n'importe quoi, elle pourrait être considérée comme étant une meurtrière. Mmh. Et là, Ron Ambrose est ministre de la condition féminine et elle a voté pour la loi. Comment peux-tu faire ça? Ou encore, comment fais-tu ça? Comment fais-tu ça? Ah, c'est 3,5 sur 5. Moi, en tout cas, ah, ben là, par exemple, là, je te trouve pas. On accorde des notes, mais. 3,5. Ouais, mais c'est une bonne idée, par contre. C'est une bonne idée. Une femme chinoise a donné à ses 6 quadruplés identiques de 6. Pardon, son 4, je pense, quadruplés, aux dernières nouvelles. Je m'en suis même pas rendu compte. À ses quadruplés, 4 quadruplés de 6 ans. Donc, ils ont tous 6 ans chacun. Le gouvernement les a traînés en justice. Maître Lucie était leur avocat. À ces firmes de fourrage. L'avocat du diable ou Lucifer? Oh! Je donne un 11 là-dessus. Merci beaucoup. Au retour, on va apprendre qu'il y a un iPad mini pour checker des affaires de porn. Là. Ça va être petit moment. Ce qu'on veut, c'est de la définition. Là. Ouais, du retina display. C'est du retina display. Peter. Le samedi 17 novembre, c'est pas à côté Gatineau, là, mais non. Si des fois ça te tente d'aller visiter un petit coin, je te reste. Dodge. La langue dans ton oreille. Boule de poêle. Boule de poêle. Meurtre et mystère. Hein? Ah, ouais. Oh. Mais je suis pas bon, j'ai pas deviné, non. T'as perdu. Hein? Ben, j'ai pas perdu, en fait, parce que... Il a juste pas gagné. Ça. Ouais. Non, c'est ça. Ah, que. Là, David est en train de mimer un couteau sur David. Ah, c'est pas sûr que c'est ça qui mime. C'est pas sûr que c'est ça qui mime. Ça a l'air de d'autres choses. Imaginez-vous là, mais. Bon, en tout cas, François Olivier a le sourire d'en face. OK. Ça, c'est, je voulais faire de mes chroniques avec Denis Coderre, notre cher ami. Ben, faudrait l'appeler maintenant. On va s'arranger ça. Je pense que j'ai son numéro. Ça commence par quel code régional? Je pense que c'est 5-4. 4-2-8-9. J'ai compris après avec le. Code. Non, là, répète. C'est quoi le code régional? OK. Pour que je puisse composer le numéro. 2 sur 10. Non, là, tu me déçois. Là. Code régional, c'est très bon. Ben, très bon. Du coup. Son souper spaghetti annuel, puisque lui, il fait le plus gros party spaghetti au Québec. C'est un fait, là. Parmesan pas. Celle-là est bonne. Parmesan pas. Ça te donne un... Rapide, hein? Du 10%. Ben, c'est l'humidité du fromage. Jack White. Jack White. Jack White, pas déballé. Jacques Leblanc. Jacques Leblanc. Jacques Leblanc. Exactement. A Bed of Horses. Le groupe de cheval. Dry the River. Sèche la rivière. The Vaccines. Des vaccins, plate un peu. The Wallflowers. Les fleurs sur le mur. Ouais. Les fleurs murales. Fleurs murales. Fleurs murales. Jusqu'au printemps. Écris pas de même, toi! Scotch goûte le vent! Calme-toi! J'ai choisi un extrait musical de Mother Mother. On écoute bit by bit ou traduit en français bit par bit? Je me trouve bien drôle. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous savez pas que mon nom, c'est vraiment Éric Paul Parent. Tu sais, je suis rentré, mais je pourrais m'appeler autre chose. Je pourrais être quelqu'un d'autre qui fait semblant d'eux. Là, t'aurais pas fait ça? Non. Peut-être, mais c'est peut-être. On l'a dit au début de l'émission, c'est peut-être Éric l'enfant. Ouais, c'est ça. Donc, il a viré à l'envers, Paul Parent. Et voilà. Je suis Paul Parent. Pas pire. J'ai écouté ça avec mon père. Ah, cool. Aussi. Ouais. Ben pas avec mon père, pas avec ton père, mais j'ai écouté ça avec mon père. Non, j'écoutais pas ça avec ton père, mais j'ai écouté T'es pirate. Ce matin, je suis en train de faire mon café, tu sais. J'avais dit l'autre fois, j'avais acheté une cafetière où tu pouvais juste mettre une tasse, puis ça faisait du café, là, ça. Ouais. Pas une Keurig ou rien, mais j'ai une cafetière qui fait ça. Et tu sais, des fois, t'oublies un ingrédient, c'est des fois, t'oublies de mettre l'eau. Et là, ça t'oublies de mettre le filtre. Non. Non? Non, non. Okay. Des fois, tu t'oublies le café, mettons, tu sais. Non, mais c'est pas ça non plus. J'ai oublié de mettre la tasse! T'es pas sérieux. T'es donc ben chaudron. J'ai oublié de mettre la tasse, François. Fait que je reviens de la salle de bain. Parce que c'est comme ça qu'il appelle son engin, mon petit Jérémy. Non, il a chanté pour la pape, lui, premièrement. T'as-tu chanté pour la pape? Ton petit engin a chanté pour la pape? Non. Petit Jérémy, arrête de parler de mon engin. Premièrement, il est pas petit. Hein? Parce que si tu l'avais dans la bouche, tu pourrais pas me parler. OK. Comme il y avait beaucoup plus de meilleurs moments entre septembre, octobre, novembre, tu sais, que janvier, février, mars, avril, du début de l'année tantôt. C'était bien moins drôle, janvier, mars. Parce que vous vous améliorez avec le temps. Ah, peut-être. Ou encore, peut-être que l'hiver, on est rendu vraiment comme ça va-tu finir, ça fait. Non. En fait, ça finit jamais. Non, ça finit jamais, parce que tout le temps, un assemblage requis en quelque part dans les grilles horaires. Exactement. Donc voilà, c'était les meilleurs moments pour septembre à novembre. Retrouvez l'émission en émission spéciale les 26-27 décembre et les 2 et 3 janvier. Il va y avoir deux émissions spéciales et Alexandra, je vais peut-être t'apprendre quelque chose. Fait une surprise, hein? Il y a une émission... Est-ce que tu le savais? Non. Il y a une émission Duluth, Carignan et Associés. OK. La firme comptable Duluth, Carignan et Associés. C'est les chroniques La face cachée de la trifluvie d'Alexandra Carignan, toi, de cet été et du début de l'automne. Sébastien Dulé de ses chroniques éditoriales et culturelles va voir J'y suis. Et les entrevues avec East Road, Bears of Legend, trucs comme ça, c'est vraiment fun. OK. Donc ça, c'est une des deux émissions de 3 heures, OK? Et t'as une autre émission qui s'appelle D'une foulée à l'autre, hein, qui est les chroniques sur la culture sportive de Maxime Bilodeau. OK. Donc les 26-27 décembre, ainsi que les 2 et 3 janvier, de 7h à 9h. Ça va 7h à 10h, excuse-moi. 7h à 10h. Ça va être drôle. Maison. Cœur, hein? La 7h du soir ou 7h du matin? Du matin. Okay. Dans la case normale de l'assemblage. OK. Cool, hein? Oh là là! Oh yeah! Donc, soyez-y, puis on va être de retour en direct le lundi 7 janvier. 7 janvier. Le 7 du 1, du 12, de 7 à 9.